Chapitre 2e. La mère MacDonald avait 100 ans. Elle avait coutume de dormir assise, toute courbée dans un grand et vieux fauteuil de cuir, les pieds dans une peau de mouton et une quantité de couvertures chaudes autour d'elle, même en été. On allumait à côté d'elle une petite lampe dès que la nuit tombait, et une petite pendule faisait tic-tac près d'une vieille tasse d'argent dans laquelle il y avait quelque chose à boire. Son visage était très ridé, mais les rides étaient si fines, si minces, si rapprochées les unes des autres, qu'elles faisaient des ombres au lieu de lignes. De maigres mèches de cheveux qui revenaient du blanc au jaune en fumée étaient tirées sur les tempes sous son bonnet blanc empesé. De temps à autre, elle s'éveillait, et ses paupières se soulevaient en plis minuscules comme de petits rideaux de soie rose, et ses étranges yeux bleus regardaient droit devant elle, à travers la porte, les murs et les monts vers un lieu très très éloigné. Puis elle se rendormait, et ses mains restaient posées l'une sur l'autre sur le bord de la couverture. Les pouces étaient devenus plus longs que les doigts avec l'âge, et les jointures brillaient à la lumière basse de la lampe comme des pommes sauvages luisantes. Il était près 1 heure après minuit, et la brise d'été faisait battre les branches de lierre contre les carreaux. Elle se balançait et effleurait la fenêtre comme en une caresse silencieuse. Dans la petite chambre voisine, dont la porte restait toujours ouverte, la jeune servante qui prenait soin de la mère MacDonald était profondément endormie. Tout était tranquille. La vieille femme respirait régulièrement, et ses lèvres tremblaient chaque fois que la respiration en sortait. Ses yeux étaient clos. Mais en dehors de la fenêtre fermée, il y avait un visage et des yeux violets qui regardaient résolument la vieille dormeuse, et cela ressemblait au visage d'Evelyn Warburton, quoiqu'il y eût 80 pieds du rebord de la fenêtre au bas de la tour. Pourtant, les joues étaient plus maigres que celles d'Evelyn, et aussi blanches qu'une lueur, les yeux étaient grands ouverts, et les lèvres n'avaient pas le rouge de la vie, elles étaient mortes et peintes avec du sang frais. Lentement, les paupières ridées de la mère MacDonald se replièrent, et elle regarda le visage de la fenêtre pendant 10 secondes environ. « Est-il temps ?» demanda-t-elle de sa vieille petite voix venant de loin. Pendant qu'elle regardait, le visage collé à la fenêtre changea. Les yeux s'ouvrirent de plus en plus grands jusqu'à ce que le blanc étincelât tout autour de la pupille violette, que les lèvres sanglantes s'ouvrirent sous des dents éblouissantes, s'étendirent, s'élargirent et s'étendirent encore, et les vaporeux cheveux dorés se soulevèrent et ruisselèrent contre la fenêtre sous la brise de la nuit. En réponse à la question de la mère MacDonald, on entendit le son qui glace la chair vivante, la voix au gémissement bas qui s'élève soudain comme le cri de la tempête qui va du gémissement à la plainte, de la plainte au hurlement, du hurlement au cri d'horrible angoisse de mort torturée. Celui qui l'a entendu sait et peut témoigner que le cri de Banshee est un cri de malheur effroyable à percevoir dans la nuit profonde. Quand le visage eut disparu, la mère MacDonald trembla un peu dans son grand fauteuil, et elle regarda encore le carré noir de la fenêtre. Mais il n'y vit plus rien, rien que l'ombre et les branches du lierre qui murmuraient. Elle tourna la tête vers la porte, toute grande ouverte, de la chambre, au seuil de laquelle se tenait la jeune servante, en robe de nuit, ses dents claquant d'effroi. « Il est temps, enfant, » dit la mère MacDonald, « il faut que j'aille à lui, c'est la fin. » Elle se leva lentement, en appuyant ses mains ridées sur les bras du fauteuil, et la jeune fille lui apporta une robe de nuit et un manteau, puis sa béquille. Elle l'habilla. Mais à chaque instant, la pauvre servante regardait la fenêtre et tremblait d'épouvante, pendant que la mère MacDonald secoua la tête et prononçait des paroles mystérieuses. « Cela ressemblait à la figure de Mademoiselle Evelyn, » dit enfin la jeune fille en tremblant. Mais la vieille femme releva vivement la tête avec colère, et ses étranges yeux bleus étincelèrent. Elle se retint au bras du fauteuil avec sa main gauche, éleva sa béquille pour en frapper la servante de toutes ses forces. Néanmoins, elle ne le fit pas. « Vous êtes une bonne fille, » dit-elle, « mais vous êtes une sotte. Priez pour demander de l'esprit. Ou bien aller chercher du service dans une autre maison, Cockram Hall. Apportez la lampe et soutenez-moi sous mon bras gauche. » La béquille frappa sur le plancher de bois et les talons bas des pantoufles de la vieille femme claquèrent lentement, tandis que la mère MacDonald se dirigeait vers la porte. Chaque marche de l'escalier qu'elle dut descendre lui coûta un effort, et au bruit les domestiques qui veillaient en bas devinaient sa venue longtemps avant de la voir. Personne ne dormait, et l'on voyait des lumières et des visages pâles dans les corridors auprès de la chambre de Sir Hugh. On entendait des chuchotements, des va-et-vient se faisaient dans la chambre, mais tout le monde s'écartait devant la mère MacDonald, qui avait nourri le père de Sir Hugh plus de 80 ans auparavant. La lumière était douce dans la chambre. Gabriel Ockram se tenait au chevet de son père, et Evelyn Warburton était à genoux, les mains jointes et ses cheveux retombant sur ses épaules comme un voile doré. En face de Gabriel, une garde malade essayait de faire boire Sir Hugh, mais il refusait, et quoique ses lèvres fussent entrouvertes, ses dents étaient serrées. Il était très maigre et jaune à présent, et ses yeux recevant la lumière de côté ressemblaient à des charbons jaunes. « Ne le tourmentez pas, » dit la mère MacDonald à la femme qui tenait la tasse. « Qu'elle lui parle, » dit Gabriel d'une voix sourde. La vieille femme s'inclina sur l'oreiller et posa le poids léger comme une plume de sa main ridée sur les doigts jaunes de Sir Hugh, et elle lui parla très gravement et bas, tandis que Gabriel et Evelyn, seules, restaient dans la chambre pour entendre. « Hugh Ockram, » dit-elle, « voici la fin de votre vie, et comme je vous ai vu naître, et comme j'ai vu votre père naître avant vous, je suis venu pour vous voir mourir. Hugh Ockram, voulez-vous me dire la vérité ?» Les yeux du moribond n'étaient pas encore ternes. Ils s'attachèrent sur le visage de la vieille femme. « Comme voulez-vous » demanda-t-il. Chacun de ces mots sonnait creux, comme si c'eût été le dernier. « Je n'ai pas de secret. J'ai vécu une bonne vie. » La mère MacDonald se mit à rire, un petit rire cassé, qui fit branler et trembler un peu sa vieille tête, comme si son cou était monté sur un ressort d'acier. Alors les yeux de Sir Hugh devinrent rouges et ses lèvres pâles commencèrent à se tordre. « Laissez-moi mourir en paix, » dit-il lentement. Mais la mère MacDonald secoua la tête et sa main souleva la sienne et s'agita sur son front. « Par la mère qui vous a porté, qui est mort de chagrin pour le péché que vous avez commis, dites-moi la vérité. » Les lèvres de Sir Hugh se serrèrent sur ses dents décolorées. « Pas sur la terre, » répondit-il lentement. « Par la femme qui a porté votre fils et qui est morte, le cœur brisé, dites-moi la vérité. Ni à vous, en cette vie, ni à elle, dans la mort éternelle. » Les lèvres du mourant se crispèrent, comme si les mots qui les effleuraient étaient des charbons, et de grosses gouttes de sueur roulèrent sur son front parcheminé. Gabriel Ockram frémit et se mordit la main pour ne pas crier en regardant son père mourir. Mais la mère MacDonald parla une troisième fois. « Par la femme que vous avez trompée et qui vous attend cette nuit, Hugh Ockram, dites-moi la vérité. Il est trop tard. Laissez-moi mourir en paix. » Les lèvres crispées se mirent à sourire par-dessus la rangée des dents jaunes et les yeux brillèrent comme des escarboucles maudites dans sa tête. « Il est temps encore, » reprit la vieille femme. « Dites-moi le nom du père d'Evelyn Warburton, alors je vous laisserai mourir en repos. » Evelyn tressaillit en se renversant en arrière, toujours à genoux, et regarda la mère MacDonald puis son oncle. « Le nom du père d'Evelyn ? » répéta-t-il lentement, en même temps que l'horrible sourire s'étendait sur son visage mourant. La lumière devenait étrangement lugubre dans la grande chambre. Pendant qu'Evelyn le regardait, l'ombre crochue de la mère MacDonald s'étendit, gigantesque, sur le mur. La respiration de Sir Hugh se fit haletante. Un râle terrible sortit de sa gorge, à mesure que la mort s'y glissait, comme un serpent, et l'étouffait. Evelyn priait tout haut, d'une voix claire et vibrante. Alors un grattement se perçut à la fenêtre, et les cheveux de la jeune fille se dressèrent sur sa tête, comme soulevés par une brise froide, lorsqu'elle se retourna malgré elle. Et lorsqu'elle vit son propre visage pâle regardé par les vitres closes, ses propres yeux brillaient dans les ténèbres, grands ouverts et effrayants, ses propres cheveux dorés ruisselants, ses propres lèvres couvertes de sang, elle se releva lentement et resta immobile pendant un instant, puis elle poussa un cri et tomba en arrière dans les bras de Gabriel. Mais le cri qui répondit au sien fut le cri d'épouvante du corps tourmenté, hors duquel l'âme ne peut fuir parce qu'elle a commis 3 péchés mortels, et bien que les démons combattent en lui pour la corruption, chacun pour sa part. Sir Hugh Ockram s'assit tout droit sur son lit, vit l'apparition sinistre et cria tout haut « Evelyn !» Sa voix dure se brisa et râla dans sa poitrine, et il retomba affaissé. Mais la mère MacDonald continua à le torturer, car il lui restait encore un peu de vie. « Vous avez vu la mère qui vous attend, Hugh Ockram. Qui était le père de cette jeune Evelyn? Quel était son nom ?» Pour la dernière fois, l'affreux sourire revint sur les lèvres convulsées. Très lentement, très sûrement, alors les yeux eurent un éclat rouge, Le visage parcheminé s'éclaira un peu sous la lumière vacillante. Pour la dernière fois, il prononça ces paroles. « On le sait en enfer !» Puis les yeux brillants s'éteignirent rapidement. Le visage jaune devint d'une pâleur de cire, et un grand frisson parcourut tout le corps amaigri. Sir Hugh Cochrane était mort. Pourtant, il souriait encore, car il avait gardé son secret et l'emportait avec lui dans l'au-delà mystérieux et terrible. Il serait enterré avec lui pour toujours, dans le caveau de la chapelle, où les Ockrams gisent sans cercueil dans leur linceul, tous, excepté un. Quoique Sir Hugh fût mort, il souriait, car il avait gardé son trésor de malfaisante vérité jusqu'au bout. Il n'en restait plus personne pour dire le nom qu'il n'avait pas prononcé, mais il restait le mal qu'il avait semé, le mot terrible, obscur, qui devait porter des fruits mortels. Pendant que tous observaient, la mère MacDonald et Gabriel, soutenant toujours Evelyn évanouie dans ses bras en regardant son père, ils sentirent les sourires d'humour se glisser sur leurs propres lèvres, la vieille femme et le jeune homme au visage d'ange. Ils frissonnèrent alors un peu, et tous deux regardèrent Evelyn, la tête appuyée sur l'épaule de Gabriel, et quoiqu'elle fût très belle, le même sourire tordait aussi sa jeune bouche. Il ressemblait au pressentiment d'un grand mal qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais bientôt ils emportèrent Evelyn au dehors, elle ouvrit les yeux, et le sourire avait disparu. De très loin, dans la grande maison, un bruit de pleurs et de gémissements montait, répété le long des corridors lugubres, car les femmes s'étaient mises à pleurer le maître mort, à la mode irlandaise. Et le vestibule retentit d'échos sinistres toute cette nuit-là, semblable aux lamentations lointaines du banshee au milieu des arbres des forêts. Quand le moment fut arrivé, on porta Sir Hugh dans son suaire sur une civière et on le déposa d'abord dans la chapelle, puis, par la longue descente sinueuse, on le porta à l'entrée du caveau nord, éclairé par des cierges funèbres, et on le plaça auprès de son père. Deux hommes étaient alors d'abord préparés la place. Ils revinrent, tremblants et pâles, chancelant comme s'ils eussent été ivres, et rapportèrent leur lumière. Mais Gabriel Ockram n'avait pas peur, car il savait. Il entra donc seul et vit que le corps de Sir Vernon Ockram était appuyé tout droit contre le mur de pierre et que sa tête gisait à terre, tout près, le visage tourné vers la voûte et les lèvres desséchées souriaient horriblement au cadavre parcheminé, tandis que le cercueil de fer, garni de velours noir, était ouvert sur le plancher. Alors Gabriel prit le corps dans ses mains, car il était très léger, étant tout à fait desséché par l'air du cabot, et ceux qui de la porte regardaient le virent le replacer dans le cercueil dont il toucha les côtés et le fond. Il remit aussi la tête sur les épaules et posa le couvercle qui claqua et se ferma avec un bruit de ressort rouillé. Après cela, on déposa Sir Hugh à côté de son père sur la civière ayant servi à la porter et l'on retourna à la chapelle. Mais quand ils se regardèrent les uns et les autres, maîtres et domestiques, ils souriaient tous du sourire mort du cadavre qu'ils avaient laissé dans le caveau, de sorte qu'ils ne consentirent à relever les yeux que lorsqu'ils sentirent que le sourire avait disparu.